On vient de faire Jean Perron qui réagit au décès de Jean Pagé, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. On va vous passer d'ailleurs une entrevue qu'il avait réalisée avec moi là, au mois de mai 2010, lors de la dernière émission de l'Attaque à 5, alias 110%. Et là, on a avec moi celui qui a travaillé en dernier avec Jean Pagé à TVA Sports pour les IndyCar. C'est Bertrand Godin. Bon après-midi, Bertrand. Oui, bon après-midi. Bertrand, on parle évidemment du décès de Jean Pagé. Comme je disais avec Jean Perron, c'est pas vraiment une surprise. Tu viens de marquer sur Twitter, tu as fait vraiment un bel hommage sur Twitter à Jean Pagé. C'était un gars également. Je me rappelle très bien de la complicité que vous aviez en onde aussi. Là. Ah oui, avec Jean, c'était une complicité de passionné. C'était passionnant. C'était un gars qui aimait partager ses joies. Qui trouvait toujours quelque chose de positif. Ça a été, pour moi, tellement un grand privilège. Vous savez, les amis, il faut en prendre soin, puis il faut savoir les apprécier. Et chaque seconde que j'ai pu passer en compagnie de Jean Pagé, déjà, pour moi, c'était tout un honneur de me retrouver à ses côtés, parce que, bon, Jean, on le sait, c'est un icône. Il a contribué à faire en sorte d'alimenter, ou plus qu'alimenter, de créer cet engouement du sport dans notre société. Et puis, c'est comme ça que on s'inspire, hein, parce qu'il y a des gens qui nous en parlent, qui nous font découvrir des choses. Et Jean Pagé, ça a été ça toute sa vie. Et jusqu'à son décès hier, c'est un exemple. Puis, à plusieurs points de vue. Tu me corrigeras parce que je t'écoutais avec l'IndyCar à TVA Sports, j'enregistrais les courses. Il était malade en dernier, la dernière année, il était oui. Malade, je crois, je pensais, puis il faisait pareil, hein? Ah oui, souvent, bon, il était sous médication, mais il trouvait toujours l'énergie, ça paraissait pas, la passion prenait le dessus sur toutes ces choses-là, donc c'était vraiment quelque chose de d'incroyable. C'était ça. C'est de voir que il carburait qu'à cette passion qu'il avait pour le sport et pour la communication. OK. Donc, Bertrand, est-ce que Jean Pagé t'a aidé à, parce que tu viens évidemment de la course automobile, t'as fait, pas dire une deuxième carrière, mais t'es analyste de course automobile également avec TVA Sport aussi. T'étais même à 110%, on va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que Jean Pagé t'a aidé le bout de temps que tu étais analyste de course automobile? Ah, c'est certain d'être avec un icône de la communication comme Jean Pagé. Jean n'était pas à bord de conseils. Il me donnait toutes sortes de petits trucs pour pouvoir mieux communiquer avec les gens. Donc, c'est certain que Jean a été extrêmement généreux de ce côté-là aussi. Puis, oui, il m'a aidé. Ça, c'est certain. OK. Sur le plateau de 110%, comment c'était? Parce que j'ai parlé avec Jean Perron, c'est sûr que c'était beaucoup moins... c'était probablement beaucoup moins... ça se chicanait beaucoup moins qu'avec... mais quoi que Jacques Villeneuve, dans le temps, il polarisait aussi, là. Mais comment c'était sur le plateau avec lui? C'est sûr. Ah, sur le plateau, des fois, c'était... Ça brassait moins qu'à un hockey, j'imagine. Non, ça brassait quand même pas mal. Je veux dire, je me souviens d'un soir où, disons que Jean avait failli recevoir mon verre en pleine figure. j'étais insulté, mais c'était drôle la réaction, hein, parce que Lucie était fâchée, puis le lendemain matin, je me souviens, vers les 8 heures, il me téléphone et puis là il me dit ah, écoute Bertrand, je pense qu'on s'est emporté un peu hier. Puis donc c'était pas un gars qui recherchait là, la guerre. Ouais. Au contraire, c'était un gars il avait des convictions, il avait de la passion et c'est ça le sport, c'est l'émotion. Et il était capable de faire ressortir cette émotion-là, mais avec des valeurs d'amitié qui étaient très profondes. Oui, effectivement. Donc, c'est un grand des mondes des communications qui viennent de nous quitter. Bertrand Godin, un gros, gros merci. Au plaisir de se parler à nous tantôt. Oui, merci. L'ex-coureur automobile Bertrand